Seigneur rassemblé sous ses voûtes sacrées, toi choisir, toi héros, pour être nos vengeurs. Puisse nos voix, par les dieux inspirés, nommer à cet état de digne défenseur. Romains, à nos vœux unissez vos prières. Le salut de l'État dépend de ce grand choix. Priez les dieux, protecteurs de nos lois, de verser sur nous leur lumière.